Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. C'est le moment du journal parlé en français, la grande édition de ce 21 mars 2021. Voici les grands titres. La stabilisation des prix des aliments sur le marché est une des propositions faites par un expert pour la relance économique. Faustin Dikoumana explique que l'engouement au commerce de ces aliments est dû à la fluctuation des prix, vous l'entendrez. Et les femmes sont toujours victimes de discrimination à l'accès à la terre par voie successorale, avec 17% seulement des propriétaires fonciers au niveau national. Vous entendrez les explications d'un consultant qui a fait une étude là-dessus. Et le prix du ticket de transport en commun sur l'axe Bubanza-Bujumbura a été majoré de 2000 francs burundais en raison des contours faits à cause de la coupure du pont sur la rivière Murago. À la Direction Générale des Routes, l'on promet de réparer ce pont dans 2 semaines. Et dans la chronique nutrition, on vous parle des bienfaits cosmétiques de l'huile de ricin. Et dans l'actualité africaine, élection présidentielle ce dimanche au Congo-Brazzaville, l'opposant parfait Kolela, principal rival du président sortant Denis Sassou Nguesso, a été testé positif à la Covid-19 et devait être évacué ce matin vers Paris. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour. La rareté des terres cultivables, le retard des engrais chimiques et les aléas climatiques, voilà les causes des variations des prix des denrées alimentaires dans les marchés tels qu'inventoriés par Faustin Dikoumana, expert économiste. Il explique que les gens s'intéressent au commerce des produits alimentaires parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, considérant aussi que ces produits restent dans les besoins fondamentaux. Et face à ce problème, il propose la mise en place d'une politique de relance économique pour stabiliser les prix des aliments au marché. On l'écoute. Le taux de croissance démographique est vraiment extrêmement élevé et fait que la demande des produits alimentaires va toujours crescendo au cours de chaque année qui vient. Alors que la terre cultivable ne s'agrandit pas à la même allure. Et si on analyse aussi au niveau des problèmes fonciers, aujourd'hui on compte environ 30% des ménages qui n'ont pas de terre cultivable. À cela, alors s'ajoute les problèmes, les méthodes de culturelles encore rudimentaires. Et vous voyez qu'au niveau de la production, il y a des cultures qui commencent à se raréfier au Burundi. Il y a la colocasse, par exemple, qui a disparu. Des fois, la patate douce n'est plus visible, la production de la banane, la farine, la pomme de terre varie selon les régions. Donc, il y a des problèmes de disponibilité, mais de la variété culturelle aujourd'hui. Et à cela s'ajoute aussi le retard des fois dans l'approvisionnement en engrais chimiques, le coût de l'engrais chimique, la gestion du changement climatique, la faiblesse des organisations et capacité de production agricole suite aux moyens. Parce qu'aujourd'hui, pour vraiment avoir une production agricole digne de son nom, il faut investir. Il faut une capacité d'investissement. Même si on analyse les chiffres récents donnés sur la production intérieure, on disait que le Burundi avait un déficit d'environ 30% de la production au niveau de la production agricole. Il y a la pénurie de devises des fois qui s'ajoute, limitant la capacité d'approvisionnement et d'importation. Il y a les mesures restrictives qui sont parfois prises par des gouvernements par des motifs sanitaires ou autres, comme la récente mesure limitant l'importation de la farine du maïs. Tenant compte de cet état de pauvreté où la diversité économique est difficile et à s'assumer, on voit que les gens font le commerce des produits alimentaires parce qu'ils jugent qu'au moins au niveau des produits alimentaires, même s'il y a pauvreté, les besoins alimentaires restent les plus fondamentaux à couvrir. Faustin Dikoumana, expert économiste. Je vous l'avais dit dans les titres, les femmes sont toujours victimes de discrimination sur l'accès à la terre par voie successorale. Lors d'un atelier sur l'accès à la terre et sécurisation foncière au Burundi, organisé au cours de cette semaine, le docteur Alexis Manirakiza, consultant, qui a fait une étude sur la succession au Burundi, a montré que le recensement fait les années dernières dans tout le pays a révélé sur 80% des propriétaires fonciers, seuls 17% sont les femmes. Et selon lui, il faut une loi sur la succession au Burundi. Une statistique qui est au niveau national, qui remonte à 2008, c'est le recensement général de la population de l'habitat. On a fait des enquêtes à travers tout le pays. On a alors montré que sur 80% des propriétaires fonciers, seulement 17%, ce sont des femmes. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence selon qu'on est un homme ou une femme. En principe, le Burundi a ratifié la plupart des instruments internationaux qui consacrent le principe de non-discrimination basée sur le genre. Nous avons vu que s'agissant de la question successorale, cette question est toujours dominée par la coutume. La coutume qui, alors, ne traite pas de la même manière l'homme et la femme. Donc, en principe, il faudrait qu'il y ait une loi sur la succession. Une loi qui consacrerait un principe d'égalité de genre. Mais en même temps, en adoptant cette loi, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui viendraient répondre aux obstacles qui font qu'on n'accepte pas que la femme ait accès au même titre que l'homme. Alors ces obstacles culturels, par exemple, pour que l'obstacle culturel soit surmonté, il faut qu'il y ait un dialogue ou des sensibilisations. On peut sensibiliser pour que la culture change. La culture n'est pas quelque chose de statique. La culture est dynamique. La culture peut changer, par exemple, le fait de se mettre ensemble pour voir ce qui doit être changé dans la culture ou pas. Il faut donc qu'il y ait un dialogue global et impliquant plusieurs acteurs pour sensibiliser qu'il est mieux que les femmes et les hommes soient traités de la même manière, par exemple. Il y a alors d'autres obstacles, comme par exemple la démographie galopante. Il faut qu'il y ait des mesures de limitation des naissances, par exemple. Docteur Alexis Mandela-Kiza, consultant qui a fait une étude sur la succession au Burundi. Et plus de 180 terres domaniales d'une superficie de plus de 1000 hectares ont été identifiées dans la commune Issale de la province Bujumbura. C'est le contenu du rapport présenté ce vendredi par des experts du ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage. Odette Kaitesi, coordinatrice nationale du projet de restauration et résilience du paysage au Burundi, fait savoir qu'on va créer un service foncier au niveau de la commune, ce qui contribuera à la réduction des dossiers relatifs aux problèmes fonciers. Reportage Lydie Gahimbari. Selon Boutoy Léonard, directeur général de la planification, de l'aménagement du territoire, de l'irrigation et de la protection du patrimoine foncier, dit qu'ils ont pu identifier 183 des terres domaniales qui étaient occupées par certains habitants de la commune Issale. Nous avons identifié et délimité dans toutes les 16 collines de la commune Issale des propriétés domaniales d'environ 183 et d'une superficie supérieure environ à 1080 hectares. Nous avons fait ce travail en s'appuyant sur des comités. Il y a un comité d'identification et délimitation composé par nos experts du ministère et aussi un comité de reconnaissance collinaire. Ils nous ont aidés et nous ont montré les gens qui se sont accaparés terres domaniales de l'État, les gens qui ont pris part mes connaissances. C'est un terrain domaniaux de l'État et alors c'est pourquoi nous avons pu arriver sur ce bon résultat. Certains chefs collinaires affirment que le travail d'identification des terres domaniales a eu lieu dans la calmie. J'apprécie ce travail. Les habitants de la localité ont facilité la tâche. Il y a eu une propriété que la communauté Batwa occupait sur la colline Munege. Les mêmes occupants nous ont appelés et ils nous ont révélé que cette propriété appartient à l'État. Le comité chargé de l'identification a vite enregistré cela facilement. Franchement, il n'y a pas de difficulté au cours de ce travail. Odette Kaitesi, coordinatrice du projet de restauration et de résilience du paysage du Burundi, fait savoir qu'on va ouvrir des services fonciers au sein de la commune afin de faciliter la certification foncière sur toutes les collines. À côté de l'inventaire des terres domaniales, dans notre projet, il est prévu aussi d'appuyer les communes de notre zone d'intervention dans la création des services fonciers communaux. Maintenant, ils ont commencé les formations pour ceux qui vont travailler dans ces services fonciers. Nous sommes en train d'organiser aussi les bureaux et les équipements pour que ce service démarre. C'est un travail donc qui mérite une attention particulière puisque dans le projet, il est prévu qu'on va faire la certification foncière systématiquement sur toutes les collines. On doit travailler avec donc l'administration pour que ce travail soit fait dans un climat sain. 15 jours ouvrables ont été accordés à la population de la commune Salé pour la vérification des résultats de ce rapport. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. Les administrateurs des communes de province de la région nord du pays affirment la nécessité du renforcement des capacités pour qu'ils puissent bien accomplir les missions qui leur sont assignées. Mission de diriger la commune, commune porte d'entrée du développement de tout le pays. Ces responsables de 32 communes s'adressent aux responsables du Centre national de formation des acteurs locaux de la décentralisation. C'était ce vendredi lors des cérémonies de clôture d'un atelier organisé par ce centre du ministère ayant la gestion des communes dans ses attributions. Le coordinateur de ce centre, chargé du renforcement des capacités, tranquillise. Des formations de renforcement des capacités des administrateurs communaux de tout le pays sont déjà planifiées pour le bien-être de la population. Blaise Pascal Kararoumiye. Les administrateurs de toutes les communes des provinces de Kayanza, Ngozi, Muyinga et Kirundo réclament qu'ils soient renforcés dans leur capacité de pouvoir administrer et gérer les communes dont ils sont responsables. Ils l'ont dit ce vendredi lors de la cérémonie de clôture d'un atelier de renforcement de leur capacité. Et l'administrateur communal de Ngozi qui hébergeait cet atelier a indiqué qu'ils ont actuellement besoin d'être renforcés en ce qui est de la planification et gestion du budget, une activité qui les attend pour ce mois prochain, comme indique ce dernier. Appuyé par son collègue de Muyinga, celui-ci indiquait qu'avec cette formation, ils ont pu savoir les missions qui les attendent, telles que mission de l'État, mission de la commune et mission de la population. Il indique que pour accomplir ces missions, ils doivent être renforcés en capacité afin que le citoyen puisse en avoir profit. Cela est adressé aux responsables du Centre national de formation des acteurs locaux de la décentralisation, un centre national qui est chargé de renforcement des capacités des agents publics et qui est du ministère de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique. Serge Ndjibar Konuye, le coordinateur de ce centre, tranquillise les administrateurs communaux en affirmant que des séances de renforcement de leurs capacités sont déjà préparées pour cette année. Il indique qu'il n'attend que le budget qui soit alloué à ces activités. Blaise Pascal Kararoumiye pour Radio Isanganiro. Toujours dans les nouvelles de Provence, le prix du ticket de transport en commun a été rehaussé depuis que le pont de la rivière Murago sur la route Bubanza-Bujumbura a été coupé. Sur la voiture Probox ou IAS, le ticket est actuellement de 3500 francs jusqu'à 4000, une hausse de 2000 francs suite au contour effectué. Les passagers et les transporteurs demandent aux autorités de tout faire pour réparer cette route. Et à la Direction générale des routes, l'on répond en promettant qu'elle sera déjà réparée dans deux semaines. Spes Caritas Cavagnana pour les détails. Les usagers de la route nationale numéro 9 Bubanza-Bujumbura se lamentent de la hausse du prix de transport qui a été augmenté jusqu'à 1000 francs il y a de cela deux semaines, et depuis que le pont de cette route a été rompu au niveau de la rivière Murago à Kivoga. Yahagaze niyibaye naho idusaba uburyo bwinshi kubera urabona ibarabara rirengana turinda guca igihanga. Ce passager déplore le fait que pour aller à Bujumbura, on doit dévier et contourner vers Gihanga. Et il demande à l'État de tout faire pour réparer cette route. De leur côté, les chauffeurs expliquent qu'ils ont rehaussé le prix de transport car le trajet a été allongé suite au contour effectué. Ils proposent une réparation provisoire pour remédier à la situation et construire par après un pont durable. Au niveau de la Direction générale des routes, on tranquillise et on explique que dans deux semaines seulement, cette route sera praticable. Régis Mawenayo, directeur général à la Direction générale des routes, fait savoir que même les matériaux de construction sont déjà collectés et que les travaux de réparation commencent bientôt. Spes Caritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kavanyana. De nouvelles internationales toujours dans l'actualité avant la chronique sur les bienfaits cosmétiques de l'huile de ricin. L'opposant Guy Brice, parfait Kolela, principal rival du président sortant Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville, qui a lieu ce dimanche, a été testé positif à la Covid-19 et affirme se battre contre la mort dans un message vidéo diffusé samedi à quelques heures du scrutin. Un avion a décollé de France pour son évacuation vers Paris qui devait avoir lieu ce dimanche matin, vendredi, hier. Avant-hier, le candidat n'avait pas pu animer son dernier meeting de campagne à Brazzaville. Il est apparu cette année comme le seul vrai rival du président sortant Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir, qui ne cache pas sa volonté de se faire réélire dès le premier tour ce dimanche. Et en RDC, le général John Numbi aurait fui le pays, cité avec insistance dans l'affaire Tchebeya, l'activiste des droits de l'homme assassiné avec Fidel Bazana le 1er juin 2010. Cet ancien inspecteur général de la police nationale est invisible depuis de nombreux jours. Plusieurs sources dans le Haut Katanga affirment que le général Numbi a quitté le pays pour se réfugier à l'étranger. Il a toujours clamé son innocence, mais l'affaire est aujourd'hui relancée avec l'arrestation l'année dernière du colonel Christian Kenga Kenga et en février de Jacques Mugabo, deux fugitifs condamnés par contumace dans cette affaire Tchebeya, ainsi que par les témoignages de deux autres policiers qui ont reconnu leur participation à l'opération au soir du 1er juin 2010. Radio Isanganiro, chronique nutrition. On vous parle maintenant des bienfaits cosmétiques de l'huile de ricin, une plante dont le fruit renferme des graines oléagineuses. Un chercheur nutritionniste indique que l'huile tirée de ces graines est très merveilleuse pour la beauté corporelle de l'être humain. Gilbert Namahafi fait savoir que l'huile du ricin prévient les maladies corporelles comme les abcès et les douleurs articulaires. Omer Ndouayo. Même si le ricin est rare au Burundi et le ricin une plante à ne pas négliger, considérera surtout les bienfaits de l'huile extraite dans ses graines. Gilbert Namahafi, chercheur nutritionniste, indique que cette huile est très riche en graisse. Le ricin en Kirundi Ikibonobono possède l'huile extraordinaire appelée communément huile de castor. Elle est extraite surtout dans ses graines. Ces graisses sont les acides gras monoinsaturés à une teneur de 85%, les acides gras polyinsaturés à une teneur de 5%, l'acide ricinoléique, environ 87%, acide oléique, donc oméga 9, 3 à 4%, acide rhinoléique, donc oméga 6, environ 5%, acide palmitique et acide stéarique, et à 2 pour chacun. Selon le nutritionniste, ces graisses guérissent et interviennent des maladies corporelles, comme les abcès, les plaies et autres. Le ricin renferme nombreuses graisses, lesquelles le permettent de prévenir aigrir divers problèmes de la peau, notamment les acnés, les vergetures, les plaies, les abcès, chutes de cheveux, de sueur et autres. Cela permet à l'huile de ricin d'agir comme antispasmodique, analgésique, antifongique, antibactérien. Elle agit aussi sur les jambes lourdes ou gonflées. Elle lutte contre la cellulite. Elle lutte contre la cellulite, les mycoses et les lèvres sèches. Gilbert Namahafi, chercheur nutritionniste, signale que l'huile de ricin ne peut pas être consommé car elle possède des toxines dans ses graines. Concernant son utilisation, si problème de vaisseau ou de l'articulation, on fait le massage avec cette huile 2 fois par jour. Si on a des acnés, des plaies, des lèvres sèches, on applique sur la partie malade 2 ou 3 fois par jour. Il faut la conserver à l'abri de la lumière, de la chaleur et loin des enfants. Sachez que l'huile de ricin n'est pas destinée à être consommée. Elle est utilisée comme médicament topique car elle possède une toxine dans ces graines et un alcaloïde, c'est-à-dire une toxalbumine dangereuse à la santé humaine si on l'utilise pour l'usage interne. Pour une bonne conservation, on met l'huile de ricin à l'abri du soleil et de la lumière. Gilbert Namahafi signale également que les feuilles et les racines de ricin contiennent des toxines qui ont des inconvénients à la santé humaine. Omer Ndouayo, dans la chronique Nutrition, il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en ordre de micro. Jean Bosco Ndouimana, très bonne journée dominicale.